Pyrrhus, Persée, Hannibal, Jugurtha, Ariovistes, César, Pompée, Néron, Othon, Vitellius, Domitien, Richard II d'Angleterre, Édouard II, Henri VI, Richard III, Marie Stuart, Charles Ier et les trois Henri de France, sans compter l'empereur Henri IV. Vous savez que... Je sais aussi qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis ut opera retur eum, pour qu'il y travaillât. Ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner. C'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Paquette broda. La vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier et même devint honnête homme. Et Pangloss, disait quelquefois Candide. Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière, pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée aux barons, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin.